Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous, merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 28 mai 2021. Voici les grands titres de cette grande édition. Trois personnes ont été blessées dans une attaque à la grenade au centre-ville de Mourenvia la nuit de jeudi à vendredi. Selon des sources officielles, la police a déjà procédé à une dizaine d'interpellations. Et le personnel du centre multifonctionnel de Gitega vient de passer plus de deux ans sans percevoir son salaire. Au ministère de tutelle, on tranquillise en disant que la question est en cours de traitement. Nous aurons les détails avec notre correspondant. Et au lendemain de l'annonce de la réouverture du poste frontalier de Gatumba pour le 1er juin prochain, les commerçants burundais qui s'approvisionnaient chez nos voisins de l'Ouest en RDC sont aux anges. Vous entendrez la joie du secrétaire exécutif de l'association des commerçants transfrontaliers. Et dans le reportage du jour, nous parlerons de la vie précaire des femmes appelées Aba Pichi qui rafraîchissaient les pêcheurs sur la colline Kabondo de la commune Nyanzalak. C'est dans la province de Makamba et la République démocratique du Congo sous les feux de l'actualité avec l'éruption samedi dernier du Nyiragongo qui paralyse toujours l'activité économique à Goma. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour, sécurité pour ouvrir ce journal. Cinq personnes auraient été blessées par une grenade lancée dans la soirée de ce jeudi dans la commune et province Mourenvia dans un début de boisson d'un nommé Pierre, 10 minutes après la coupure d'électricité dans toute la commune de Mourenvia, selon des sources locales. L'administrateur de cette commune confirme cette attaque à la grenade, mais parle lui de trois blessés actuellement dans leur ménage et que la police a déjà commencé les enquêtes pour savoir ceux qui sont derrière cette attaque afin qu'ils soient traduits devant la justice. Quant aux enquêtes, 10 suspects ont été arrêtés par la police. Les administratifs demandent à la population de toujours donner des informations à la police sur tout cas suspect. Je venais de vous le dire, le personnel du centre multifonctionnel de Gitega, CMG, grogne, disant qu'il passe un peu plus de deux ans sans percevoir son salaire. Il fait savoir qu'il fait face à de multiples problèmes, d'où il réclame l'intervention du ministère de tutelle, qui est celui des Affaires sociales et de la solidarité nationale. Le secrétaire permanent à ce ministère dit que ce problème est en cours de traitement, sans toutefois préciser quand la solution sera trouvée. En ligne de Gitega, Gérard Niwigira. 17 employés, dont 8 veilleurs de nuit et 10 jours. Ces employés disent néanmoins qu'ils viennent de passer plus de 2 ans sans être payés. Ainsi, ils précisent qu'ils font face à de nombreux problèmes, à savoir la restauration de leur famille, le paiement du loyer, l'endettement exagéré, la scolarisation des enfants, les soins de santé, la participation dans des fêtes familiales et d'autres. Ils réclament alors les arriérés de leur salaire. Le directeur de ce centre, Aristide Bocha, explique que ce dossier dépasse ses compétences et que la solution proviendrait du ministère de tutelle, qui est le ministère des Affaires sociales et de la solidarité nationale. Contacté par téléphone, le secrétaire permanent à ce ministère nous a signifié que le personnel du centre multifonctionnel de Gitega est payé à base de ses recettes. Et entre autres services qui étaient auparavant offerts par le même centre figurent l'hébergement avec 22 chambres, le bar-restaurant, les salles de réunion et d'autres. Toutefois, depuis le mois de janvier de cette année, ce centre sert de lieu d'isolement des personnes atteintes du Covid-19 et aucune activité génératrice de revenus ne s'y réalise. Le secrétaire permanent au ministère des Affaires sociales et à la solidarité nationale indique que le problème de ses employés est connu et qu'il est en cours de traitement, sans toutefois préciser quand la solution sera trouvée. Depuis Gitega, Jean-Yves Guilla pour la radio Isangani. Merci Gérard. Et une personne n'ayant pas eu de connaissances suffisantes en classe devrait subir d'autres formations qui l'aident à remplir ses tâches. C'est ce que dit Pierre Claver, un doux mami, directeur du Burundi Business Incubator, organisation qui appuie les jeunes à planifier et gérer leurs projets. C'est au moment où des jeunes fraîchement diplômés deviennent des chômeurs alors que le marché de l'emploi reste faible. Suivez-le au micro d'Apollinaire Muzagara. Actuellement, il y a l'offre qui est de loin supérieure à la demande de travail. Eh bien, oui, c'est vrai, il y a le fait que la qualification de base n'est peut-être pas suffisante. Mais ça, ce n'est pas la cause principale. Les employeurs potentiels, les entreprises en général, parce que essentiellement, ce sont des entreprises petites, moyennes et grandes, qui demande du travail. Or, ils demandent du travail parce qu'ils veulent produire pour un marché de consommation, un marché local, régional ou international. Et c'est là, s'ils ne trouvent pas de travailleurs qualifiés, effectivement, l'adéquation formation-emploi sera un problème. Cela ne serait-il pas dû aux programmes qui ne sont pas adaptés, justement, les programmes dispensés dans les écoles qui ne sont pas adaptés? Ça deviendrait un problème s'il y avait une demande de certaines qualifications de travailleurs et que cette demande n'était pas satisfaite. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous connaissons des ingénieurs, des médecins, des économistes, des juristes qui sont au chômage. Non pas parce qu'ils n'ont pas les compétences, mais parce que personne n'en veut. Parce que les entrepreneurs potentiels ne sont pas là. Ils n'ont pas de marché. Alors, je dirais que c'est un problème, certes, mais ce n'est pas le plus important. Vous savez, quand une entreprise désire recruter, je donne l'exemple, un ingénieur, et qu'il trouve que l'ingénieur n'a pas peut-être certaines qualifications, c'est très facile de le recycler, de lui donner les compétences nécessaires. Mais encore faut-il qu'au départ, tu en as besoin parce qu'il y a des chantiers à construire. Qu'est-ce que vous proposeriez pour que justement ce problème de chômage trouve remède? Déjà, je félicite le gouvernement pour avoir mis dans ses priorités l'emploi des jeunes au Burundi. Le gouvernement devrait chercher des partenaires internationaux, attirer des investisseurs pour qu'ils puissent venir. C'est la seule solution pour qu'on puisse résorber le taux de chômage. La suite de ce journal, l'Association des commerçants transfrontaliers du Burundi apprécie la mesure du gouvernement du Burundi de rouvrir le poste frontalier de Gatumba à partir du 1er juin prochain. Le secrétaire exécutif de cette association indique que certains de ses commerçants ne travaillaient plus suite à la pandémie du Covid-19 et éprouvaient des difficultés à pouvoir nourrir leur famille. Cependant, Koubgaïo Polycarpe appelle ses commerçants à passer par les voies connues et à se faire dépister afin d'éviter d'être sanctionnés une fois arrêtés pour commerce frauduleux. Suivez-le au micro de Francine Diokoubgaïo. Nous avons très bien accueilli cette décision, d'autant plus qu'on avait longtemps plaidé pour que ces frontières puissent être ouvertes. Et maintenant, on a promis d'ouvrir la frontière de Gatumba à partir du 1er juin. Et on espère que d'ici peu, les commerçants transfrontaliers vont commencer les activités. Pour certains qui ont encore leur capital, mais il y a d'autres qui ont déjà consommé leur capital, d'autant plus que depuis COVID ils ne continuaient pas à travailler. Nous avons très longtemps plaidé pour que toutes les frontières du pays puissent être ouvertes. On espère que d'autres frontières seront ouvertes d'ici peu, d'autant plus que les commerçants qui sont sur les postes frontaliers de Kanyaruho, Gasenyinemba, sur les postes frontaliers de la Tanzanie pour qu'ils puissent vendre bien au-delà des frontières du Burundi. Il faut que les commerçants puissent respecter les mesures barrières contre COVID-19. Il faut aussi que le gouvernement puisse disponibiliser des infirmiers, des médecins qui puissent aider pour que le COVID-19 ne puisse pas encore se propager dans le pays, d'autant plus qu'on a ouvert les frontières. Et d'autre part, il faut que les commerçants évitent de passer par des Jiayapagna pour faire la contrebande pour qu'ils puissent faire entrer de l'argent au niveau de l'OBR. Et il s'observe une recrudescence du trafic frauduleux d'épargne en province Cibitoke, surtout dans les communes de Buganda et Rugombo. Le commissaire provincial de la police fait remarquer que les trafiquants changent de tactique, mais qu'en collaboration avec l'Office burundais des recettes OBR, la police continue à décourager cette fraude. Le gouverneur de la province de Cibitoke demande aux autorités administratives à la base d'éviter la complicité dans la fraude. Les administratifs, eux, affirment qu'ils collaborent avec la police pour traquer ces trafiquants. Alexis Ndayiragije. Plus de 1200 pagnes ont été saisies par les agents de la police en collaboration avec l'administration à province de Cibitoke, surtout dans les communes de Rugombo et Buganda depuis le début de cette année jusqu'à ce mois de mai. Ces pagnes sont saisies souvent sur la barrière de Nyamitanga en commune de Buganda. Les trafiquants de ces pagnes les font traverser par la rivière Rusizi et les cachent dans les ménages pour les transporter par après vers Bujumbura. Le commissaire provincial de la police en province de Cibitoke, Miguel Mulemi Jean-Baptiste, indique que les trafiquants changent souvent des stratégies de fraude. Il précise qu'ils mettent les vignettes arrachées sur les pagnes moins chères, payées à l'obéier, et les mettent sur les pagnes frauduleuses de haute qualité qui sont vendues à des prix élevés, dans le but de tromper la vigilance des agents de la police. Pour cette tricherie, le commissaire Bigrou Moulemni indique en collaboration avec l'obéier que cette stratégie a été déjouée, puisque les vignettes de l'obéier attachées à ces pagnes pour le moment sont difficilement arrachables. Cette autorité policière affirme que d'autres stratégies ont été prises, mais qu'il ne faut pas les divulguer toujours dans le but de décourager le trafic frauduleux des pagnes. Le procureur de la République en province de Cibitoki, quant à lui, précise que plusieurs dossiers concernant ce trafic frauduleux des pagnes ont été traités et que plus de 10 trafiquants sont déjà emprisonnés. Certains administratifs à la base, contactés à Bouganda et à Rugombo, indiquent qu'ils participent dans l'arrestation des trafiquants de pagnes et surtout dans la saisie de ces derniers. Le gouverneur de la province de Cibitoki, Bisosa Kalem, quant à lui, exhorte aux administratifs à la base de continuer à dénoncer les auteurs des fraudes et que surtout, complices, seront sanctionnés exemplairement. Depuis Cibitoki, Alexis Ndairagije, Radio Isanganiro. Merci Alexis. Et certains chefs des collines de la province de Kirundo se lamentent de la pénurie des cartes d'assurance maladie ces derniers mois, ce qui cause de l'insécurité à la population bénéficiaire. Ils s'inquiètent également de la hausse de la dite carte qui est passée de 3 000 à 25 000 francs burundais. Et alors que certains manquaient même les 3 000 francs burundais, ceci a été dit ce jeudi dans la réunion de sécurité tenue au chef-lieu de la province de Kirundo par la délégation du Conseil national de sécurité, Abraham Safari. Ces mêmes administratifs à la base s'inquiètent beaucoup de la hausse de ces cartes d'assurance maladie qui bientôt vont s'acheter à 25 000 francs pour la population paysanne, alors que certains manquaient même les 3 000 francs. Pour la délégation du Conseil de sécurité, ils vont plaider pour que les districts sanitaires s'en approvisionnent en quantité suffisante afin que chaque personne ayant les moyens puisse en avoir sans difficulté. Contactez Louis Nzitunga, médecin provincial de Kirundo, à propos de cette pénurie des cartes d'assurance maladie. Ce dernier nous a répondu qu'ils étaient en carence de ces cartes dans la période écoulée, mais qu'actuellement ces cartes sont disponibles. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Quelques nouvelles brèves en international avant de passer au reportage du jour. On m'a fait signe que un élément en rapport avec la pénurie d'eau potable qui s'observe dans le quartier Ngengawusoro de la zone Kanyoshamero de Bujumbura est là. Eh bien, les habitants disent qu'ils peuvent faire une semaine sans voir une goutte d'eau des robinets publics, ce qui les pousse des fois à se servir de l'eau de la rivière Kanyosha. Le directeur au sein de la régie des eaux, Innocent Grunziza, a déclaré à la radio Isanganiro qu'il y a un projet d'adduction en eau potable provenant de Mutambo qui est en cours pour alimenter le sud de la capitale. Et c'est un reportage signé Marie-Claire Kazenet. Abusoro no kuri turakenya amazi cyane kugira ngo tuyakoreshe twoyege kugira ngo tuyanwe dutegerezwa gusha tuyateka. Ce sont les résidents de Nkengabusoro qui nous racontent la pénurie d'eau dans cette localité. En y arrivant, on y trouve des mouvements de va-et-vient, des enfants, femmes, hommes qui circulent avec des bidons et bassins dans des mains cherchant ou puiser de l'eau potable. Selon eux, l'approvisionnement en eau potable s'interrompt à 6 heures du matin, ce qui les pousse à se servir l'eau des ruisseaux, comme le témoigne cette femme. Dans la matinée, on y trouve une chaîne de gens qui viennent puiser de l'eau potable et à 6 heures, l'approvisionnement s'interrompt. Dans ce cas, on est obligé de se servir de l'eau de la rivière Kanyosha pour les travaux ménagers, alors que cette eau n'est pas propre. De la rivière Kanyosha, ça prend une dizaine de minutes pour arriver dans un endroit aéré. Ce trajet n'est pas facile, dit cette femme rencontrée, étant fatiguée avec un bidon d'eau sur la tête. Puisque c'est la vie, nous sommes contraints de le faire, même si c'est fatigant. Tu te sens très très épuisé avec des courbatures, car nous passons par des montagnes en cherchant cette eau de la rivière Kanyosha. Les uns préfèrent bouillir cette eau de la rivière Kanyosha pour l'utiliser dans des... Actualité internationale. Vous voudrez bien nous excuser pour ce reportage qui a été mal nettoyé. Actualité internationale à présent, l'éruption de Nyiragongo paralyse toujours l'activité économique à Goma, République démocratique du Congo, la capitale du Nord Kivu est largement coupée du reste du pays. L'aéroport de Goma est fermé par précaution pour un mois après l'apparition de fissures en sous-sol. L'aéroport de Bukavu, dans un premier temps fermé, a pris le relais et sert d'aéroport de dégagement. La lave a par ailleurs coupé la route vers le nord sur un kilomètre au niveau de Kibati entre Goma et Rutshuru en direction de l'Ouganda. Or, c'est un axe essentiel pour les échanges commerciaux, en particulier l'approvisionnement alimentaire. En RDC, toujours la capitale, la peine capitale a été requise contre deux prévenus dans le procès de l'assassinat du général Delphin Kahimbi, chef des renseignements militaires, retrouvé mort à son domicile fin février 2020 dans la ville de Kinshasa. Pour le ministère public, Brenda Nkoy Okale et Scolastique Mondopila, veuve et belle-mère du général Delphin Kahimbi, sont les deux responsables du meurtre de l'officier. Les quatre autres prévenus, une femme, deux pasteurs et un neveu de la veuve Kahimbi, sont eux accusés de complicité. Et le ministère public a demandé des peines allant de 20 à 10 ans de prison ferme. Ce réquisitoire est contesté par les avocats de la défense pour qui le ministère public est resté dans des suppositions et non dans les faits. Et au Nigeria, les secours tentent de retrouver des survivants ou de repêcher des corps de personnes disparues mercredi après le chavirement de leur bateau sur le fleuve Niger dans l'ouest du pays. Plus de 150 personnes manqueraient toujours à l'appel. Elles étaient en tout 180 sur l'embarcation à espérer se rendre au marché local. À l'heure actuelle, 20 personnes ont été retrouvées vivantes. 4 ont perdu la vie durant la saison des pluies. Les chavirements de bateaux sont fréquents sur les fleuves et rivières du Nigeria, où les navires sont souvent surchargés et mal entretenus, et ce dernier accident serait cependant l'un des plus meurtriers. Enfin, l'Allemagne a pour la première fois reconnu vendredi avoir commis un génocide contre les populations des Herero et Nama en Namibie pendant l'ère coloniale et va verser au pays plus d'un milliard d'euros d'aide au développement. Le ministre allemand des Affaires étrangères salue dans un communiqué la conclusion d'un accord avec la Namibie après plus de 5 ans d'âpres négociations sur les événements survenus dans ce territoire africain colonisé par l'Allemagne entre 1884 et 1915. Les colons allemands avaient tué des dizaines de milliers de Herero et de Nama lors des massacres commis entre 1904 et 1908, considérés par de nombreux historiens comme le premier génocide du XXe siècle. À la source, reportage. Certaines femmes appelées Abapishi, qui rafraîchissaient les pêcheurs sur la colline Kawondo de la commune Nyanzalak en province Makamba, disent mener une vie précaire depuis la suspension de leur travail. Elles affirment qu'elles ont combattu pour la survie, mais en vain. Ces femmes, comme le chef de colline, sollicitent des capitaux afin qu'elles puissent se lancer dans d'autres activités génératrices de revenus. Elie Nibel Nibigira les a rencontrées. Il est de retour. C'est le désespoir qui se lit dans les yeux de ces femmes de la colline Kabondo en commune Nyanzalak. Elles disent que la vie s'est compliquée après la suspension des activités des femmes rafraîchissant les pêcheurs. Jadia Majambele dit qu'avant, elle pouvait subvenir aux besoins de sa famille, ce qui est quasi impossible aujourd'hui. Nous avons peiné à vivre et nous nous sommes demandé sur quel pied danser. Ici à Nyanzalak, nous menons une vie déplorable. Il n'y a pas de travail et lorsqu'on se lance dans le commerce, ça ne marchait pas. On n'a plus de capitaux. Après avoir suspendu nos activités, la vie s'est quasiment arrêtée. Avant, je pouvais gagner 10 ou 15 000 francs par jour et je pouvais assurer la ration des enfants et leur scolarisation. Mais aujourd'hui, même des uniformes se déchirent car je ne trouvais pas de moyens pour leur acheter d'autres. C'est cette précarité de la vie que connaît également la veuve Chantal Sibomana après la suspension de ses activités. Tout ce qu'elle demande, ce n'est pas la reprise de son travail, mais d'un capital pour s'orienter dans d'autres activités génératrices de revenus. Si on trouvait un capital, il y aurait moyen de survivre car on peut faire le commerce des amarantes et des aubergines pour que la vie puisse continuer. Moi, je me suis habituée à la préparation des crêpes, la bouillie et du thé. Ça me permet vraiment de survivre avec mes enfants. Mais maintenant, je n'ai plus de capital. J'assiste impuissamment à cette situation et je n'ai même pas de mari. La précarité de la vie que connaissent ces femmes qui rafraîchissaient les pêcheurs est confirmée par Jacqueline Mawenayo, chef collinaire de Kawondo, et demande aux bienfaiteurs d'appuyer ces femmes comme il en a été le cas pour d'autres de Lumonge. Je suis très préoccupée par ces femmes qui, jadis, rafraîchissaient les pêcheurs vu la pauvreté qu'elles connaissent actuellement. Elles tombent malades et ne trouvent pas de moyens pour se faire soigner et assurer la ration. La scolarisation des enfants n'est pas assurée. Bref, elles restent là sans rien faire. Si, par grâce de Dieu, il y avait des organisations qui les soutiennent en leur offrant des capitaux, comme il en était à Lumonge, ce serait génial parce que ce sont des femmes courageuses. Les activités des femmes rafraîchissant les pêcheurs dans les provinces de Lumonge et Makamba ont été suspendues depuis 2017. Merci Eli Nibel Anibigira. Il est 13h17 à Bujumbura et sur Isanganiro. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Alphonse Koubimana au micro, Jean Bosco Ndouimana. Un très bon après-midi.